qu'un jour j'ai pas tout de suite compris que je t'aimerai toujours, je sais pas ce qui m'a pris. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis tombé amoureux de toi et je dois t'avouer. Oh, Ryan, t'as tout pour m'être fatal, comme le heavy metal. Comment résister à ton charme quand on voit une aussi belle femme? Avec le temps vient l'amour. Dieu, c'était compliqué, plus que moi en tout cas. Moi, je ne suis qu'un fou, mais par-dessus tout, c'est toi qui me rend dingue. Dingue de ne pas te voir tous les jours. Oh, Ryan, t'as tout pour m'être fatal, comme le heavy metal. Comment résister à ton charme quand on voit une aussi belle femme? Oh, Ryan, t'as tout pour m'être fatal, comme le heavy metal. Comment résister à ton charme quand on voit une aussi belle femme? C'est plié. C'est super. Et...